te réduisent à zéro. Produisent leur bonheur, te séduisent, ils te poussent à l'erreur. N'écoute que ton cœur, trop de paroles sont des leurs. Dans des rôles, dans leurs pleurs, dans leur voix, dans leur façon de faire devant toi. Pas de fleurs pour leur proie, leur sang reste froid. Tu vis par leur foi, tu meurs par leur choix. Leur joie, les faibles qui cèdent à la tentation de l'aide. Espèrent dans la compassion, les êtres dotés de la manipulation. Détruisent par passion, mentale agression qui pousse à la dépression. Ils mentent, te vantent, les en toi et tentent de te prendre le contrôle de ta vie et te hantent. Les manipulateurs sont parmi nous, ils serpentent et t'orientent dans le flou. Engrenage mortel, l'esprit piégé par ce pouvoir maléfique. Victime de stratèges machiavéliques, manipulation alternant vérité et mensonge. Impossible de trouver le sérum, il n'y a qu'à la mort qu'on songe. Quand le piège nous ronge et que le mal se masque de multiples façons, se déguise par des changements de provision. La manipulation des centralistes, chacune aux cellules nerveuses. Étrange force paranormale andrineuse qui étrange nos consciences gangrineuses. Sont nos destinées nocives et cette machine manipulant les êtres naïfs comme des poupées chines. Attraction démoniaque qui dépend une puissance surnaturelle qui nous pousse à la déchéance. Encerclé par les flammes en l'air sans aucune chance. Le cerveau en pleine démence quand le démon nous fait entrer dans sa danse. On se retrouve seul et sans défense. Hypnose, la manipulation est la cause de suicide, de génocide, d'homicide. Elle décide à ta place, récite dans ta face. Avide de pouvoir, ta vraie personne, elle efface. Elle maintient des conflits, détient des pays dans le malsain. Elle produit du malin qui déteint sur tes villes. Force les pistes comme Myriam Bedaoui. Te hisse dans le drame et ton âme est salie. Omniprésente à la télé, elle crée de jeunes salopes et des PD ancrés dans la réalité. Elle te choque, manipulation, résultat de trop de fautes. Manipulation et la vérité se bloque. Elle transporte le fascisme de père en fils. Préserve le racisme, crée le terrorisme. La manipulation est un séisme silencieux qui se propage et ravage comme le fait la force du feu. Révélation, la menthe religieuse capture si proie dans les sectes à la quête de sa création. Manipulation comme les médias télévisés trop nuisibles. Images subliminales, mauvaises informations, les esprits faibles en sont la cible. Manipulation comme hypnose, la propagande, les chefs d'état sur leurs soldats. Combien finiront avec une sept biche en tonneur sous les draps. Manipulation comme les phrases des candidats lors des élections. Les photos gravitent autour de l'atome, tels des électrons. Manipulation comme ces démons qui prennent emprise sur nos cervelles. Ou comme ce proxénète qui manipule son esclave sexuel. Manipulation comme Jamila Belkacem et Omar Roman. Quand le mal fait des tragédies, le drame se marque même sur des romans. Manipulation, manipulation, manipulation, démoniaque, manipulation.